Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture où aujourd'hui nous allons partir dans le monde des enfants avec un livre qui s'appelle Une nouvelle amitié aux éditions de L'Oxalide. Ce livre a une particularité parce que c'est un livre bilingue. Il a été écrit par Karine Régnier et sa fille Corentine. Bonjour Karine. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans les studios de Caprice de lecture. Comme chaque format de Caprice de lecture, il va y avoir 4 ou 5 grandes questions. On va parler du livre, mais pas que. Il y aura 2 coupures musicales donc, que tu as choisies et tu nous expliqueras ce choix. Et à la fin, tu nous parleras donc de ton Caprice de lecture, donc un livre que tu as aimé et que tu souhaites partager avec les auditeurs. Karine, est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Alors Karine, c'est un livre que tu as écrit donc en une partie en français, une partie en anglais, c'est-à-dire que chaque page, on a une page en français qui relate une histoire d'amitié avec un petit crabe, j'en dis pas plus pour l'instant. Donc sur la page de gauche et sur la page de droite, ce qui est très intéressant, c'est que c'est écrit en anglais avec des explications quelquefois de synonymes ou de traductions de mots. Alors pourquoi ce livre en bilingue ? Est-ce que c'était une nécessité pour ta fille qui peut-être ne maîtrisait pas très bien l'anglais ou est-ce que c'était pour une autre raison ? Alors là, je vais casser le mythe tout de suite. Si tu veux, les éditions Oxalide travaillent essentiellement sur du bilingue, okay. Systématiquement. Donc en fait, moi, quand j'ai rencontré Christophe, donc le chef d'entreprise et le directeur des éditions Oxalide, d'accord. Je lui avais juste dit, bah écoute, moi, je savais qu'il avait cette fonction-là. Je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai écrit des choses avec ma fille souvent. Est-ce que tu pourrais simplement me dire si c'est pas trop mal, si c'est prometteur, est-ce que t'en penses ? Et bah, concours de circonstances, ça lui avait bien plu. Et donc, du coup, il m'a passé un coup de fil un mois et demi plus tard en me disant, bah écoute, Karine, je lance une nouvelle édition pour enfants écrite par des enfants, sachant que ta fille t'a aidé. Est-ce que tu veux qu'on vous publie ? Et puis voilà comment l'aventure a commencé, en fait. Ok. Et alors, du coup, bah, le parti pris bilingue, forcément, c'était super intéressant, mais ce n'est pas de notre fait. Et malheureusement, toi, tu avais écrit qu'en français, en français. Français, ouais. D'accord. Mmh. Et c'est vraiment la maison d'édition qui s'occupait de la traduction en anglais. C'est ça. Et Corentine, qu'est-ce qu'elle en pense de ce livre, avec un peu de recul maintenant ? Alors, Corentine, c'est une enfant qui a toujours été précoce, mais qui ne s'est jamais mise en avant. Donc, du coup, elle l'a toujours caché à ses amis qu'elle avait publié un livre. Elle a toujours caché sa petite participation au livre sur la place. Ok. Par pudeur ? Ouais, par pudeur. Oui, elle aime pas non plus se mettre en avant. Elle aime pas montrer. Non, elle aime pas montrer. Par exemple, quand elle a su lire un an en avance, les maîtresses s'en étaient pas aperçues. Elle a appris toute seule. Et c'est vrai qu'on a toujours travaillé, elle et moi, dans des univers imaginaires. Donc, soit les soirs, je lui lisais une histoire, soit elle me racontait une histoire, soit je lui racontais une histoire. Et en fait, cette histoire est née d'un lieu, d'un objet, un personnage. D'où le fait qu'on a travaillé avec un ballon, un crabe à la plage, parce que c'était notre exercice du jour, en fait. Super. Alors justement, l'histoire, donc c'est une amitié avec un petit crabe. Est-ce que c'est issu, alors tu as répondu en partie, d'une histoire vraie quand ta fille était petite ? Souvent, les enfants sur la plage, moi je suis maman de garçons, et quand ils étaient petits, surtout un, quand ils voyaient un crabe, c'était panique à bord, justement parce qu'il en avait peur. Et donc c'est très ludique, c'est-à-dire que même un enfant de 4-5 ans comprend cette histoire. Et quand on est adulte, ça nous donne un accès à la langue anglaise facilité et simplifié. Et tu donnes même d'ailleurs des petits tips sur certains mots ou sur certaines conjugaisons de verbes. Et ben là, la partie pédagogique, c'est encore les éditions Oxalide. Okay. Franchement, ils ont vraiment un beau panel de livres pour adultes, pour enfants, écrits par des auteurs, par des enfants. Chaque année, j'enrichissent leur collection. Et ils sont, c'est vraiment une bonne petite maison d'édition. J'aime beaucoup. T'as le projet d'écrire ou de collaborer à nouveau avec eux ou pas ? En fait, Corentine avait une idée en tête un peu de temps après l'écriture de celui-ci. Ouais. Elle a perdu son parrain quand elle avait 5 ans. Ok. Et ça l'avait beaucoup marqué. Elle avait voulu lui écrire une carte en phonétique qu'on a mis dans le cercueil de son parrain. D'accord. Et en fait, Elle était déjà suffisamment mature pour avoir des images assez fortes qu'elle a laissées sur papier. Par exemple, elle avait dessiné un papillon à qui elle avait barré les ailes OK. en mettant c'est comme un papillon qui ne pourra plus voler. Elle avait dessiné un cœur, elle avait barré le cœur, elle avait mis c'est comme un cœur qui arrête de battre. Ouais. Et la dernière image qu'elle avait mise, elle avait dessiné un bateau à l'horizon et elle avait mis c'est comme au revoir parrain, au revoir pour toujours. Donc elle avait vraiment compris que quand on meurt, C'est on fini ne se pour revoit toujours. plus. Ouais. Et du coup, après là, quand après être allée au livre sur la place, avoir rencontré des enfants, je pense que bah, elle était quand même contente et elle me dit bah maman, on pourrait toujours essayer un jour d'écrire un livre pour enfants en expliquant c'est quoi la mort à travers plein d'images et plein de relations, enfin religions différentes. Donc à l'époque, je m'étais rapprochée des Juifs pour voir avec eux comment on pouvait Ouais. collaborer et tout. Et il avait d'autres projets à faire, donc ça n'a pas abouti. D'accord. Mais là, effectivement, je suis en train de retravailler sur un projet qui me tient à cœur, sur un livret, peut-être pas forcément à publier, mais sur un cahier d'expression à l'usage des personnes qui sont appelées à disparaître, OK. une passation de relais pour que la famille, bah, récupère un trésor avec énormément de choses personnelles que le patient aurait pu livrer. Et c'est vrai que si ça pouvait être publié, Ça serait ça chouette. pourrait être super Qui, sympa. quelque chose qui perdure dans le temps. C'est ça. OK. Alors Karine, on va faire une première coupure musicale qui est alors un titre de ton choix, c'est Zara Larsson pour Undercover. Pourquoi ce titre? En fait, moi j'ai des goûts très très éclectiques et j'aime beaucoup les sonorités, j'aime beaucoup son timbre de voix un peu particulier. Ouais. Et C'est une musique qui t'accompagne oui, c'est ça, au que je peux quotidien? chanter à tue-tête. C'est celle qu'on a retrouvée le plus à l'écoute dans mon bilan 10 heures de OK. l'année. Mais c'était assez astronomique parce que des fois je la mets en boucle Ouais. et je vais la chanter en boucle aussi bien pendant toute ma balade. Tu Donc vois, tu l'aimes bien oui, je l'aime et tu as vraiment envie de bien. Et partager quand avec j'aime, nous. j'aime, oui. D'accord, et ben on se retrouve juste après, Karine. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, in the daylight, when the sun is shining. On the late night, on the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars in hiding. You and I burn on. Put two and two together forever. We'll never change. Two and two together will never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie de Caprice de lecture, toujours en présence de Karine Régnier pour le livre écrit à quatre mains avec Corentine, donc sa fille, qui s'intitule « Nouvelle amitié » aux éditions de L'Oxalide. Alors Karine, on a parlé de ce livre, mais qui pour moi n'était qu'un moyen d'aller explorer aussi d'autres facettes de ta personnalité parce que tu crées énormément de choses de tes mains. Tu donnes beaucoup, tu es une personne très empathique. Moi, j'aimerais bien savoir si Karine Régnier, elle a plusieurs cordes à son arc, et si oui, combien? C'est la question qu'il ne fallait pas poser. Je ne sais pas si c'est des cordes. Disons que je suis une bonne bidouilleuse et que ouais, j'ai un univers qui est assez varié et j'ai toujours une idée qu'en chasse une autre. Et j'ai l'avantage de ne pas beaucoup dormir. Donc, mais par exemple, je sais que tu es en train d'organiser un petit marché de Pâques sur ton lieu de travail, voilà, parce que ce sera à destination de personnes qui ont envie d'acheter pour favoriser le bien-être d'autres personnes. Et moi, je trouve ça formidable. En 2025, on est dans une telle société qui fait qu'on est tellement individualiste et il existe encore des gens comme toi qui pensent aux autres sans en retirer le moindre bénéfice. Et ça, pour moi, c'est la plus belle corde à ton arc que tu puisses avoir. Je pense que c'est plus une question d'éducation. J'ai toujours eu un papa et une maman qui ont toujours été tournés vers les autres. Ouais. Qui ont toujours donné d'eux-mêmes sans rien attendre en retour. Et je pense que c'est comme ça que j'ai été élevée. C'est ta satisfaction à toi, donner sans rien attendre. C'est aussi quelque part, tu te dis, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. Alors, je dirais plutôt que de voir les gens tellement contents des choses qui sont faites, ça suffit à me payer en retour. Et c'est la plus belle des richesses, en fait. Eh ben, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et puis, je pense que quand on n'attend rien de personne, il y a aussi un côté protecteur parce qu'on n'est jamais déçu. Oui, par l'attitude vrai. D'un tiers, on n'attend rien, il est content, c'est bien. Et puis s'il ne l'est pas, de toute façon, on n'attendait rien de lui. Donc, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Alors, Karine, avant et qu'on... Et alors, tout l'argent qu'on va récolter pour le marché de Pâques, ce sont pour les papy-mamies des unités de soins de longue durée, mais pas que. C'est aussi pour la gériatrie et pour les personnes hospitalisées. Oui. En fait, on est une association, l'association Les Quatre Saisons, qui inclut du personnel soignant et qui inclut aussi des membres des familles. Donc bénévoles, du coup. Bénévoles pour tout le monde, avec un objectif commun d'œuvrer pour un meilleur mieux-être de la personne âgée. Et là, par exemple, l'argent que j'aimerais récolter, c'est un projet qui n'a pas été validé, mais que j'espère qu'il d'accord. va pouvoir prendre ouais. naissance, ce serait de transformer un vulgaire espace inoccupé où sont stockées les machines à café pour en faire un café des artistes où il y aurait des toiles peintes, il y aurait des toiles vierges, du matériel à disposition, des feutres, des papiers, des crayons, de la mosaïque, okay. de la poterie, où chacun peut prendre son papy, sa mamie quand il vient, descendre avec lui, passer un autre moment plus agréable que dans une vieille chambre, toujours avec cette idée de créer des derniers souvenirs autres qu'une chambre un peu austère. Et un peu impersonnelle. Et passer du temps, ouais. de la convivialité, partager, échanger. Et toujours dans le don de l'autre, ça ne me dérangerait pas et je trouverais ça même génial de faire un pseudo happy hour avec un papy ou deux, une ou deux familles, et puis animer bénévolement un atelier. Aujourd'hui, on, je sais pas, mais on va faire un petit bricolage, on papote, on boit un petit coup, et puis on fait de la peinture, quoi, par exemple. Tu peux nous redonner les dates de ce petit marché ? Alors, pour l'instant, vu que je suis le seul lapin de Pâques à préparer, je dirais que je ne les ai pas définis, mais grosso modo, du 10 avril au 20 avril. Et de toute façon, vu que chacun met ce qu'il souhaite dans la tirelire, il n'y a pas besoin de moi. Donc les gens, quand ils passent, ben, ils viennent, la lumière elle est ouverte, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et ils mettent une petite pièce. Ils mettent ce qu'ils estiment être le juste prix et ils mettent dans la tirelire en fait. Super. Voilà. Avant qu'on passe à la deuxième et dernière coupure musicale, est-ce que, et avant ton caprice de lecture, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ton actualité ? Est-ce que tu es sur les réseaux ? Est-ce que, voilà, ou pas, ou t'es plutôt, plutôt une personne de l'ombre qui aime bien agir comme ça, faire sa petite popote ? Alors, je serais plus une personne de l'ombre et je dirais que, vu que je suis pas forcément très matérialiste, vous pouvez trouver un peu ce que je fais, soit sur mon Facebook ou mon Instagram à moi, ou sur celui des fils de l'imaginaire. Ouais. Mais la priorité ici, ce serait plus à la limite d'aider les papy-mamies. Donc, il y a un Instagram et une page Facebook sur l'association Les Quatre Saisons que vous pouvez aller consulter. Et puis voilà. Et, puis et donc, il y a en photo tout ce que tu crées avec les bénévoles et tout ça. Il y a quelques trucs. Oui, il y a quelques trucs. Ok. Ouais. Vous répondez aux messages ? S'il y a des personnes qui veulent plus d'infos ou ce genre de choses ? Bah oui, ou ils peuvent même téléphoner directement au secrétariat des USLD. Il y aura toujours quelqu'un pour leur répondre. Super. Voilà. On fait une deuxième coupure musicale, toujours de ton choix, avant que tu nous présentes ton caprice de lecture. Donc c'est Diana Ross, Ain't No Mountain Like Enough. C'est pareil, c'est une sonorité qui me porte, c'est une artiste complète et c'est, c'est des labels musicaux que j'apprécie énormément parce que c'est des sonorités qui sont, à mon sens, vivantes et qui sont intemporelles en fait. Alors, on retrouve Diana Ross et on te retrouve juste après pour ton caprice de lecture. You can depend and never worry. Yeah. caprices de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission de Caprices de lecture avec Karine Régnier et son livre écrit à quatre mains, Une nouvelle amitié, donc livre bilingue aux éditions de L'Oxalide. Karine, pour clôturer ce très beau caprice de lecture, est-ce que tu peux nous faire part de ton caprice du jour ? Eh bien écoute, j'ai cherché longtemps et finalement le livre qui m'a marqué, enfin que j'ai envie de relire, c'est plutôt ça, c'est un livre qu'on avait étudié de mémoire, je pense que c'est peut-être plus le collège ou le lycée, c'est Fahrenheit 451. Ah oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. La dernière fois, je me suis levée en me disant oh, « Je le relirai bien, je suis sûre que je vais le comprendre complètement différemment. Ouais. » Et de mes souvenirs, je pense qu'il calque encore hyper bien à la réalité actuelle. Ouais. Donc, du coup, je dois aller le chercher ce week-end me replonger dedans. Ouais. Super. Mais ouais. Bon, écoute, tu reviendras nous voir. Oui, je reviendrai. Super. Merci beaucoup, Karine, d'avoir accepté cette invitation. Je te remercie, toi, parce qu'en fait, tu sais mettre en lumière les gens, mais tu ne te rends pas compte de tout ce que tu dégages comme énergie positive, comme bienveillance. Et c'est important de le souligner. Merci. Je le fais tellement naturellement que je ne m'en rends pas compte. Bah si, c'est important, ça doit être souligné. Bon. Tu es une personne solaire. Merci beaucoup. Je suis très émue. ça va aller. À très bientôt pour de nouveaux caprices de lecture. Au revoir. Merci, au revoir.